46e chapitre. Un mariage royal à Téhéran. Le chah Nasser Eddin passe pour être un bon père. Il aime surtout ses 5 filles et particulièrement l'une d'elles, mariée depuis quelques années. Cette princesse nommée Ismad ed-Daoulé, la chasteté de l'Empire, épousa le fils de Doust Ali Khan, alors contrôleur des finances, un des hommes les plus vénérés du pays, auquel on attribuait toutes sortes de vertus. Immensément riche et fort généreux, il voulut que le mariage de son fils avec la fille favorite du chah fit époque parmi les solennités nationales et déclara qu'il en payerait les frais. À Téhéran, l'on cite les fêtes magnifiques qui eurent lieu à cette occasion. Le souvenir qu'elles ont laissé dans l'esprit du peuple est encore vivant et les récits merveilleux qu'on en fait prouvent combien les imaginations en avaient été frappées. Elles sont une date mémorable pour les Persans. Dire « J'ai assisté aux fêtes du mariage d'Ismad ed-Daoulé » c'est affirmer qu'on a vu des choses tellement belles que l'on doute d'en revoir jamais de pareilles. Lorsque Doust Ali Khan sollicita la main de la fille du chah pour son fils, Aga Emir, il eut soin d'accompagner sa demande d'un peshkesh de 2 millions de crans offert au souverain. La proposition de mariage fut de suite agréée. D'ailleurs, Nasser Eddin n'avait jamais eu de serviteur plus fidèle et plus dévoué que Doust Ali Khan, qui, outre ses immenses richesses, possédait des qualités personnelles fort appréciées par le monarque. Le contrôleur des finances remuait les millions à l'appel. Aimant l'argent, non pour l'entasser, mais pour en faire largement usage, il tenait à s'entourer d'un luxe royal. Son superbe palais et sa magnifique maison de campagne sont comptés parmi les plus beaux édifices du pays. Aux yeux fascinés du chah, Doust Ali Khan apparut comme le phénix des beaux-pères. Quant au fils, il promettait de marcher sur les traces de son père. Jeune encore, Aga Emir, qui s'était déjà fait remarquer par son intelligence, faisait espérer le plus brillant avenir. Cette union était d'ailleurs des mieux assortie. Quoique l'Andéroun soit un sanctuaire impénétrable, bien des mystères en sont dévoilés. Aussi savait-on que Ismad ed-Daoulé répondait au titre dont l'avait glorifié son père et qu'elle était aussi bonne que belle. Note. Sous les rayons ardents du soleil de Perse, la jeunesse et la beauté passent vite, bien que très jeune encore, la princesse a déjà un air de matrone. Fin de note. Dès son jeune âge, elle montra des qualités qu'on rencontre rarement parmi les princesses persanes. Ayant un goût très prononcé pour l'étude, elle connaissait tous les auteurs de son pays. Lorsque cette union fut décidée, on songea à organiser les fêtes qui occupent en Perse une si large place dans les mariages. Le contrôleur des finances envoya à la belle fiancée les plus splendides cadeaux de noces. Ce fut le commencement des réjouissances qui durèrent 10 jours. Tout Téhéran prit part à ces fêtes brillantes. Non seulement l'aristocratie et beaucoup de familles riches y furent invitées, mais les pauvres et même les soldats en garnison dans la capitale trouvèrent place à des banquets populaires servis dans différents quartiers. Un mobilier de luxe et d'une richesse extrême fut transporté à dos de chameaux et de mulets au domicile préparé pour les jeunes mariés. Le défilé dura 10 jours. Le 10e, on vit étalés sur d'immenses plateaux en argent les bijoux de la fiancée, ainsi que 5 millions en or monnayé formant sa dot. Enfin, le soir, après le coucher du soleil, un éléphant blanc, magnifiquement harnaché, surmonté d'une espèce de tour formant siège, vint chercher au palais la jeune princesse pour la conduire sous le toit conjugal. Nasser Eddin Shah, craignant que l'éléphant ne fût pas assez docile, exigea que Doust Ali Khan monta lui-même avec le cornac. un nombreux cortège se mit en marche, tous les grands de la capitale ayant tenu à escorter la fille du souverain. Le parcours du palais jusqu'à la demeure d'Aga Émir était brillamment éclairé et la garnison de la ville sous les armes. Chaque soldat portait dans le canon de son fusil une bougie allumée. De riches tentures, des châles de cachemire ornaient les murs des maisons, des tapis somptueux couvraient le sol sur tout le passage de la princesse. L'illumination du bazar était féerique. Doust Ali Khan y avait envoyé des milliers de bougies. Jamais de mémoire d'homme, rien d'aussi beau, d'aussi éblouissant n'avait été vu à Téhéran. Sa Majesté et le contrôleur des finances partageaient le bonheur de leurs enfants. La ville entière s'associait à ce joyeux événement. Mais il ne fut pas donné à Doust Ali Khan de vivre longtemps auprès des heureux qu'il avait faits. Un abcès qui s'était formé dans la bouche nécessita une opération chirurgicale dont les suites furent fatales. Il mourut peu de temps après le mariage de son fils. À sa mort, le chat, d'après l'usage, qui fait du monarque l'héritier de tout fonctionnaire décédé dans l'exercice de sa charge, hérita de la plus grande partie de son immense fortune. Toutefois, Aga Émir en eut encore suffisamment pour être un des plus riches personnages de la Perse. Nasser Eddin donna à son gendre la charge qui avait été confiée à son père. En 1878, il était chambellan du Shah, grand dignitaire de la cour et gardien des trésors de la couronne. Fin du 46e chapitre.